Là, c'est assez vague, et comme souvenir. Bon, ben, si, je me souviens parce que je jouais, je ne portais pas la nounours, ni la petite voiture, encore moins la télécommander. Je jouais ce qui est les moyens du bord, les coquillages d'escargot, les pierres. Ça, je m'en souviens vaguement. Après, bon, après, il y a eu l'école.